Vous croyez connaître notre passé, vous imaginez connaître notre avenir, et vous pensez connaître notre monde, mais vous vous trompez. Nous vous avons appelé car, dans vos domaines respectifs, vous êtes, pour ainsi dire, les meilleurs. Il y a de cela 8 heures, nous avons découvert une structure à 1230 mètres en dessous de l'Afrique du Sud. Après l'avoir analysée, j'ai découvert que cette structure datait de plus de 16 000 ans. Cela controverse cette autorité que nous nous faisons de notre passé. Il faut que j'aille voir cela. Comme vous le savez, lieutenant, j'ai mis une équipe sur pied pour aller explorer la structure. Je veux que vous preniez le commandement de cette unité. Qu'est-ce que c'était ? Qu'y a-t-il, Doc ? J'ai vu quelque chose bouger. Ce sont les ombres qui bougent des poules. Non, regardez ! C'est improbable. Il n'aurait pas dû nous trouver. Mais qui êtes-vous ? Nous sommes votre passé et votre avenir. Vous pensez tout savoir, mais c'est loin d'être le cas.